Chapitre 12, deuxième partie. Que de soirées charmantes nous avons passées à l'entendre exécuter tantôt quelques fugues de Sébastien Bach, tantôt quelques improvisations tristes ou joyeuses, selon la fantaisie du moment, unissant à la mélancolie germanique tout le brio italien. On conçoit quel charme devait avoir pour des oreilles si longtemps condamnées aux cris des chameaux du désert de semblables soirées. C'était une source de délicieuses sensations retrouvées tout à coup dans un coin du Caucase à laquelle nous nous abreuvions avec une volupté inexprimable. Aussi conserverai-je un éternel souvenir de ce bon docteur pour tout le plaisir qu'il nous a causé. Du reste, j'ai rarement rencontré de nature plus sympathique que la sienne. À l'âge où tant d'hommes sont blasés, grognons, désabusés de tout, il aime la poésie, la musique, la nature, comme s'il n'avait que 20 ans. Le soir de sa vie est plus radieux que bien des jeunes existences. Ses salons sont remplis de tableaux, d'albums, de portraits qui lui ont été laissés en grande partie par ses nombreux malades et qu'il conserve avec un soin religieux. Quoique la saison des eaux fût passée, lors de notre arrivée, il avait encore chez lui quelques pensionnaires qui donnaient beaucoup d'agrément à nos réunions du soir. Parmi ceux-ci se trouvait un jeune officier russe, arrivé depuis peu d'une excursion contre les circassiens. Deux blessures assez graves le forçait à demeurer tout l'hiver à Pyatigorsk. Ce qu'il nous raconta de la campagne qu'il venait de faire et des terribles épisodes dont il avait été témoin nous fit plus d'une fois frissonner. Les Russes payèrent cher la prise de quelques villages incendiés. La moitié des leurs resta sur place avec une perte de plus de 120 officiers. Un des amis du blessé recueillit une charmante petite fille circassienne ayant eu sa mère tuée sous ses yeux. Vivement ému de l'horrible position de cet enfant, restant orpheline sur un champ de bataille, l'officier la mit en croupe sur son cheval et regagna le camp avec cette prise d'un nouveau genre. À son arrivée à Pyatigorsk, il s'empressa de placer sa protégée dans une pension tenue par des dames françaises. Nous allâmes la voir et revînmes enthousiasmés de sa beauté qui promettait de soutenir la réputation des femmes de son pays. Le temps, complice peut-être de nos secrets désirs, mit pendant une huitaine de jours obstacle à toute longue course. Réellement, nous avions besoin de cette relâche dans nos habitudes nomades. Ces 8 jours se passèrent dans un repos et une douce intimité qui nous rappelait le séjour de Vladimirovka. Mais le soleil, auquel nous ne songions plus le moins du monde, fit un beau matin irruption à travers les brouillards et nous rendit, un peu malgré nous, à nos excursions aventureuses. Dès le lendemain, nous partîmes pour Kislovodsk, situé dans l'intérieur des montagnes, à 40 verstes de Pyatigorsk et possédant des eaux acides d'une grande réputation. La route, en quittant Pyatigorsk, suit d'abord la vallée large et profonde de la Podkouma que borne à droite une ceinture de rochers amoncelés les uns sur les autres comme des vagues pétrifiées présentant dans leurs caprices et dans leurs crevasses tous les signes d'un ancien bouleversement. Tandis qu'à gauche, de belles montagnes boisées montent d'étage en étage jusqu'à l'imposante chaîne du Kazbek. Au bout d'environ 2 heures de marche, la route quitte la vallée, alors fort retrécie, pour serpenter sur une longue corniche côtoyant horizontalement le cours du torrent jusqu'au moment où ce dernier s'enfonce définitivement dans les montagnes. Alors, au sol fangeux, dont nos chevaux avaient mille peines à se tirer, au ciel gris, à l'atmosphère pleine d'humidité qui nous avait accompagnés jusque-là, succéda, comme par enchantement, de la sécheresse, du froid, de la poussière et du soleil. Ce contraste subi, phénomène particulier aux pays élevés, nous avait été prédit par notre hôte, fort expérimenté dans tout ce qui concerne les variations atmosphériques de ces chères montagnes. Rien de ce que j'ai tâché de dépeindre précédemment ne saurait rivaliser avec les sites sauvages et pittoresques que présente cette partie du Caucase. On ne voit de tous côtés qu'un océan de pics, de cônes, de mamelons, de pyramides dont les proportions gigantesques et le sublime désordre impressionnent vivement l'imagination. Les Alpes caucasiennes, avec leurs grandes cimes, leurs neiges étincelantes et leurs abîmes, se déroulent majestueusement au regard et semblent se confondre avec les nuages. Tantôt, un rocher isolé s'élève devant vous, comme un mur infranchissable. Tantôt, une pente rapide vous conduit jusqu'au bord du torrent dont les eaux bouillonnantes lavent les roues de votre voiture. Tantôt, vous marchez plongé dans les brouillards ou vous vous engagez dans une gorge qui paraît sans issue. C'est un continuel changement de scène et d'horizon revêtant toutes les formes et toutes les couleurs depuis le gris opaque des vapeurs qui couronne les sommets les plus orgueilleux jusqu'aux teintes pourprées des feuillages d'automne. On rencontre de distance en distance des buttes coniques de terre d'une vingtaine de mètres de hauteur servant de lieu d'observation à des sentinelles qui, de là, surveillent nuit et jour les alentours. Leur silhouette se profilant sur le fond nébuleux du ciel produit un singulier effet au milieu de la solitude qui les environne. La vue de ces Cosaques, l'arme au bras, le capuchon sur la tête, arpentant avec toute la précision militaire l'étroite terrasse des buttes, nous faisait remercier intérieurement le gouvernement russe d'avoir balayé cette contrée et rendu son accès facile aux malades ainsi qu'aux touristes. Malgré la saison déjà avancée, la végétation avait encore toute sa fraîcheur. De magnifiques pelouses recouvrant les pentes escarpées des montagnes offraient une nourriture abondante à des troupeaux de chèvres épars, çà et là. Leurs gardiens, revêtus de peaux de mouton et portant en guise de houlette un long fusil en bandoulière avec deux ou trois poudrières à leur ceinture, donnaient de la couleur au paysage par leur accoutrement semi-guerrier, semi-pastoral. Des aigles d'une taille gigantesque volaient majestueusement d'un roc à l'autre comme les seuls souverains de ces lieux solitaires. C'était bien là ce que nous avions rêvé lorsque, perdus dans les steppes de la mer Caspienne, les yeux brûlés par un sable ardent, sans autre distraction que la vue et les cris de nos chameaux, ou la rencontre de quel kibitka kalmouk, nous tâchions de nous soustraire à nos souffrances en peuplant le désert de mille images ravissantes. Avant d'atteindre la gorge où se cache Kislovodsk, nous rencontrâmes une seconde fois des circassiens, mais aguerris par la sécurité avec laquelle nous avions voyagé jusqu'alors et par notre séjour à Piatigorsk, je me livrais sans arrière-pensée au plaisir de les admirer. Ces montagnards, au nombre d'une douzaine, se délassaient sous un rocher fortement ensailli. C'était un pittoresque coup d'œil que celui de leur halte dans cette solitude. Les chevaux, sellés et bridés, paissaient à quelques pas de leur maître, qui n'avait pas même songé à se débarrasser de leurs armes avant de se livrer au repos. Les uns avaient la tête entièrement couverte du bachlik, espèce de capuchon de poil de chameau qui ne se met qu'en voyage. D'autres portaient le bonnet de fourrure, coiffure nationale du pays. De larges galons d'argent brillaient sur leurs vêtements d'une coupe gracieuse et commode. Tous étaient munis de la burqa, aussi nécessaire aux Tcherkesses que ses armes. Lorsque notre voiture s'approcha d'eux, quelques-uns se levèrent sur leur séant, et nous regardèrent d'un air de dédaigneuse indifférence, sans manifester la moindre intention alarmante. À peine arrivé à Kislovodsk, notre premier soin fut d'aller visiter la source des eaux acides à laquelle ce lieu doit sa célébrité. Cette source est non seulement un phénomène intéressant aux yeux du savant, mais encore une curiosité pleine d'attrait pour le voyageur. Elle ne jaillit pas, comme la plupart des sources de ce genre, du flanc d'une montagne ou de la fente d'un rocher. Non, elle s'épanche au fond d'une vallée à la portée de tout le monde. La nature qui cache ordinairement ses trésors dans les retraites les plus inaccessibles a fait une exception en sa faveur. On lui a construit un bassin carré où elle bouillonne constamment, sans avoir la moindre chaleur. Son pétillement et sa saveur légèrement acide lui donnent de la ressemblance avec l'eau de Sels. Kislovodsk se compose d'une quinzaine de maisons, ou plutôt de petits palais asiatiques ornés de longues galeries à jour, de terrasses, de jardins et de vestibules remplis de fleurs. Tous les baigneurs de Piatigorsk viennent y finir la saison des eaux. Derrière ce séjour aristocratique s'étend une gorge étroite, bordée de tous côtés par les montagnes, à pic, qui semble l'isoler du monde entier. Il faudrait plusieurs jours pour parcourir en détail tous les sites délicieux que renferme Kislovodsk. Parmi ces curiosités naturelles est une cascade très renommée cachée tout au fond du vallon. Pour y arriver, on suit pendant une heure le long du lit que ses eaux se creusent. Dans une épaisse couche de calcaire, un sentier tortueux qui va toujours en se retrécissant jusqu'au pied de la chute. Là, emprisonné par des escarpes si roides que le pied d'une chèvre ne pourrait s'y poser, vous avez devant vous une nappe éblouissante, descendant par gradins d'une hauteur de plus de 20 mètres, se transformant en neige et en écume à mesure qu'elle rencontre des obstacles sur son passage et se perdant un moment sous des fragments de rochers qui hérissent le fond de la voûte pour reparaître bientôt en un ruisseau limpide s'enfuyant sur un lit de mousse et de cailloux. Longtemps, le bruit de cette mystérieuse cascade nous accompagna dans notre retour à Kislovodsk, nous jetant ainsi un dernier adieu à travers la forêt et les échos de la vallée. Kislovodsk, par sa position, est bien plus exposé aux attaques des montagnards que les autres établissements. Aussi, n'y est-on jamais dans une entière sécurité, malgré le détachement cosaque qui en garde les hauteurs. Un aoul circassien, foyer de liberté et d'expéditions hardies, placé comme l'air de l'aigle sur la crête la plus élevée des montagnes environnantes, est un dangereux voisinage pour les buveurs d'eau. Ses habitants, quoique nominalement soumis, n'en profitent pas moins de toutes les occasions pour se livrer à leur haine contre les Russes. De retour chez le docteur, nous allâmes visiter la colonie allemande de Karas, située au pied du Bechtau. Son état de prospérité fait autant d'honneur aux colons qu'au gouvernement dont ceux-ci ont recherché la protection. Exclusivement composée d'Écossais dans le principe, elle a été fondée par un nommé Peterson, ardent sectaire, qui, pour objet principal, se proposait la conversion des peuples du Caucase. Mais toutes ces prédictions furent inutiles et peu à peu, de laborieux Allemands vinrent remplacer les missionnaires écossais. À peine si l'on se souvient aujourd'hui du but primitif de l'établissement. La colonie, essentiellement agricole, ne songe plus qu'à s'enrichir aux dépens des étrangers que les eaux minérales attirent dans le Caucase. Après cette dernière excursion, nous prîmes non sans de vifs regrets congé de notre aimable docteur et de son entourage. le rare avantage que nous avions eu de trouver dans un coin du Caucase esprit, politesse, désir de plaire, goût des beaux-arts, en un mot, tout ce qui fait le charme des pays les mieux civilisés, était une de ces bonnes fortunes, comme il s'en rencontre peu sur les pas du voyageur, mérite doublement précieux dans les conditions exceptionnelles où nous vivions alors. Le contraste qu'offrait une nature sauvage avec les goûts et la conversation spirituelle du docteur, le voisinage des circassiens unis à tant de sécurité et de bien-être, tant de soins et de sympathie prodigués à nous, étrangers venus de si loin, ne pouvaient manquer de laisser une trace profonde dans notre esprit. Aussi, en nous éloignant de Piatigorsk, convînmes-nous plus d'une fois qu'au milieu des Alpes caucasiennes, nous nous étions trouvés moins dépaysés que dans beaucoup d'endroits où l'on se pique néanmoins de connaître tous les raffinements de la civilisation. Fin du chapitre 12.